pas toi client. À bord c'est les barrières. Voici pause. Ou le célèbre, comme on dit, flow, bozouka, stop vos soirées pendant que vous zouquez. Je fous le rap aux arrêts avec ou sans indice, car dans le 19, les keufs bossent pour Zarbo. Hey yo, je fais la fumée sans feu, hein, des omelettes sans eux. J'ai largué les faux types, je fais des millions sans eux. Besoin de change, naturellement dangereux. Et toi, bigrave et puis poucave, et tu finis sans yeux. Un mot pour les frères au bain, longe la somaille yo-yo. Ici on plonge et remonte comme un putain yo-yo. Plus des ghettos sans bonne farine, dégage les narines. Du rose au bleu marine, 100% pur adrénaline. Quand je rappe, tu sais c'est qui? Je frappe, je laisse des séquelles. Non, quand je rappe, je laisse des séquelles. Je frappe, tu sais c'est qui? Cesse de balles naves. Quand tu parles, tu baves. Rien que tu ran, ran, ran. Rien que tu jabes. Barrios, t'as reconnu les Barrios. On espère que c'est pas toi le pilote. À bord, c'est les Barrios. Barrios, t'as reconnu les Barrios. On espère que c'est pas toi le pilote. À bord, c'est les façon transaction, trafic d'organes. Perception des blindes, les fourgons, on est fort gars. Ici c'est Bagdad, calage sans portable. Foutons pas, bah, coup sinon mort. On est des warriors, bar, what, parce que t'as rêvé de marijuana. Tu crois que je suis comme tout, amour, le roi sans couronne. Sache qu'ici, les mecs fait les coups de plus que les stars de télé choisis. Tant qu'en carte en caisse, mêlé ou pas mêlé. C'est parce que j'vole trop, mais j'vote pour le paradis. J'serais sûrement manchot si j'étais né en Arabie. J'ai l'équipe qui parle avec la carabine. Chope ma dope et puis ton rôle devient un cabaret. On reste inestimable, inimitable même à minimum. Le règne animal et criminel est en opération. Neige et bilan antidote, antidiplomate, c'est une déclaration de guerre. Les Barrios, t'as reconnu les Barrios. On espère que c'est pas toi le pilote. À bord c'est les Barrios. T'as reconnu les Barrios. Dans mon monde, les gentils sont les méchants et les bandits. Pisse comme Gandhi, pile, minute et c'est parti. Dès l'âge des BN, se prépare au GIGN. Envers et contre tous, on vole vers 13, revolver à 16. Car l'intelligence se délie dès qu'il s'agit de démolir les diligences. Majeurs sont les délits, mineurs sont les dealers. J'pense qu'en ce moment où il est bon d'être épaulé par les poteaux du ghetto d'Ateco. Bitume résident, depuis Giscard président. Doucet, d'aspect antipathique, presque intimidant. On est dangereux, chanceux soit le qu'on soit pratiquant. Tu comprends pas qu'on rentre souvent au marge au trafic. C'est pour Mesrine, Fouché, Gauti, Sauzé, Ouzbek, Montana, Corleone, Mandela, Mobutu, Quel Calcolona. Tous se sont fusillonnés en nous. Barrios, t'as reconnu les Barrios. On espère que c'est pas toi le pilote. À bord c'est les Barrios. Barrios, t'as reconnu les Barrios. On espère que c'est pas toi le pilote. Que sinon t'étais poteau, tu serais qu'on était poteau. Quand tout le monde sait qu'il c'est une moto. On tient en forêt, on est les Warriors. Célèbre Sabou, Mams Manu, Mamen Ricky, voilà Bayon, Mamen Mami, Mamen. Ce qui se passe c'est bad. Danu, écoute pas ça, c'est cool, bison Rocco. C'est trop méchant. Ah, Jacques Cartier, qu'est-ce que tu veux là? Moi je suis dangereux, je suis très malin. Je suis un voyou, hein. Ah mais carrément, je m'étais obligé quoi. Et tu vois, non, non. Je suis très très dangereux. Je te dis, il ne faut pas me laisser. Crois-moi, ne me tourne pas les doigts. Hein.